Bienvenue au Rock Show, émission du 23 mars 2005. Enregistré sur un coin de table au salon, sans micro, sans équipement sophistiqué, on est d'ailleurs de mon manque d'équipement et de ma voix pas toujours stable. Ben, ça vient comme ça. Ça fait partie des premiers balbutiements. Ça fait partie de l'appropriation par les amateurs d'un médium qui depuis trop longtemps est aux mains des professionnels. Pas parce qu'on veut absolument détrôner les professionnels, mais parce qu'il y arrive d'autres choses. Certainement quand on change les paramètres de base. Premier sujet de la soirée, les amateurs. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Intéressant donc, se procurer sur internet de intituler les The Pro-Am Revolution, How Enthusiasts Are Changing Our Economy and Society, un papier de Charles Leadbeater et de Paul Miller, mentionné récemment dans le noble opuscule de mon ami Michel Dumay, Le Devoir, cité il y a quelques jours par Patricia Bergeron de l'ONF dans son nouveau carnet Aigre Douce, comme étant la mise en place d'une nouvelle façon de faire les choses, pas si nouvelle, on en a parlé un petit peu la dernière fois, mais d'une facilité, d'une barrière à l'entrée plus basse, d'une capacité de plus de gens de s'exprimer, de diffuser, d'échanger. Et la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça change? Papier intéressant qui couvre la croissance du phénomène dans les dernières années, dans plusieurs domaines, les idées, comment on peut mesurer ce secteur, l'éthique, comment les professionnels amateurs s'organisent, comment la société bénéficie de ce qu'ils apportent et quelques perspectives sur le futur. Somme toute, un papier fort intéressant à lire et réfléchir certainement. Ce qui me fait penser mauvaise transition instantanée au weblog qui, il y a quelques années, était vu comme un phénomène très marginal, peu intéressant et un peu ridiculisé par les professionnels du journalisme, qui se demandent encore est-ce que les weblogs sont des journaux? Non. Est-ce que les weblogueurs sont des journalistes? Peut-être. Est-ce que le journalisme est une forme qui peut se faire dans un weblog? Oui. Est-ce que les weblogs peuvent avoir une forme journalistique? Sûrement. Fausse question, peut-être. Et donc, retour sur le party des 5 ans des Yuleblog qui avait lieu samedi dernier à la Galerie Zix avec presque 75 participants au plus fort de la soirée. Belle soirée, très intéressante, toujours agréable de rencontrer en personne les gens qu'on connaît que de nom ou même souvent que de pseudonyme. Toujours amusant de se présenter sous sa vraie identité et sous son URL. On a eu la chance de rencontrer beaucoup de monde, de s'amuser et de se rendre compte que de toute façon, la recette était bonne pour encore plusieurs années, puisqu'il n'y avait pas vraiment de recette. On thème récurrent peut-être à venir dans cette émission. On le fait parce qu'on peut, on le fait parce qu'on s'amuse, on le fait parce que c'est agréable de rencontrer des gens, on le fait parce que c'est un réseau social qui se construit, parce que la société aujourd'hui n'a peut-être plus les perrons d'église, les magasins généraux ou les rues principales où croiser ses voisins, parce que la mondialisation, l'internationalisation et les horizons qui s'élargissent font qu'un Français, qu'un Marocain, qu'un Maghrébin de cultures similaires sont peut-être plus voisins qu'un notre voisin physique qui a plus d'affinité avec les Américains de droite, peut-être. Parce qu'on peut, et parce qu'on veut, et parce que c'est toujours agréable de prendre du temps pour se remettre en question, pour s'amuser, et pour créer, pour inventer, pour refaire le monde, pour reprendre des vieilles idées à la sauce moderne. Je vous en offre un exemple qui me plaît beaucoup. Et on revient après la pause musicale pour discuter de statistiques totalement mathématiques, crédibles et efficaces sur les échanges par réseau peer-to-peer et les achats de musique en magasin. Go, Joe, à ta mémoire. Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, tout ce que vous voulez. En effet. Statistique intéressante. 100%, non, non, 99% pour rester mathématiquement correct. 99% des chansons qui se retrouvent dans mon top 10 sur Audio Scrobbler m'appartiennent ou alors seront achetées dans les semaines suivantes si je me suis procuré ces musiques de façon instantanée et gratuite, pour le dire ainsi. Oui, en effet, cette semaine, fin de semaine, achat de la compile de NoFX, justement, qu'on vient d'entendre avec les Champs-Élysées, et d'un CD inter... CD... Non. Cut. Non, cut pas du tout. Live, réel. Je vous fais croire que je fais pas de montage. Je continue, on recommence. Tu comme garder un petit peu de grain authentique. Donc, c'est des vulgaires machins. Aimer le mal que j'ai acheté cette fin de semaine. C'est des acidulés et intelligents qui kickent mes oreilles de façon assez régulière depuis quelques jours. Et ça me faisait penser que les musiciens, les groupes que je trouvais sur les réseaux de peer-to-peer d'échange et que j'appréciais, il y avait presque 100% des chances que je me les procure parce que je reconnais le travail que ces gens-là font et j'apprécie et que je vote avec mes dollars. Et c'est comme ça que je trouve de la nouvelle musique. C'est comme ça que j'explore et je vous envoie tout de suite, immédiatement, un dernier petit bout d'exploration musicale avant de terminer avec notre dernier sujet de la soirée qui est Our Media et la capacité des individus de maintenant publier gratuitement par archive.org et ourmedia.org des fichiers audio, vidéo, texte, images ou animés ou autres. Donc, on écoute Malajub découverte des dernières semaines pour moi, groupe montant, récipiendaire au dernier Mimi du trophée Révélation de la prochaine année. Prix qui pour moi vaut beaucoup plus que n'importe quel autre. Et donc, ça s'appelle La Maladie. C'est pas très long. C'est excellent. C'est éclectique. C'est francophone. C'est d'ici. C'est montréalais. Et ça fond dans les oreilles comme un jujube au soleil. Voilà les Malajub, La Maladie. C'est par du jujube sur mon cœur qui bat trop fort. Cette semaine de ourmedia.org, site avec un comité aviseur tellement impressionnant que c'est un peu le who's who de l'internet média nouvelle vague, capacité sur un même site de publier audio, vidéo, clip, texte, image, blog, fil RSS pour tous ces trucs. Plateforme open source qui vise à redéfinir les formats de micro-contenu et d'échange. Très, très intéressante application à télécharger, écrite en Python et aussi open source pour préparer des médias, les métadonnées, les licences qu'on veut lui appliquer. Réflexion vraiment poussée, vraiment intéressante de ce projet open source qui était depuis à peu près 6 mois sous le radar, mais quand même développé derrière porte close par, entre autres, Mark Cantor, ex-fondateur de Macromind, devenu Macromedia, et J.D. Lasica, un des journalistes les plus impliqués au niveau de ce que les nouveaux médias peuvent être de nouveau sur Internet, journalisme citoyen, journalisme participatif, collaboration sur de archive.org pour sa gigantesque capacité d'héberger, de bande passante et de diffusion. Vraiment très impressionné cette semaine. J'ai testé ça hier. Créé mon compte là. C'est maintenant, à partir de là, que je diffuse mes phonambules. Pas des podcasts. Ce sont des phonambules de type garage. Donc, des phonambules. Vous lirez sur mon carnet pourquoi c'est des phonambules et pourquoi ce ne sont pas des podcasts. Donc, Our Media cette semaine, très très intéressant comme lancement. C'est à suivre, c'est à regarder. Pour conclure aujourd'hui, peut-être la liste de mes logiciels aperçus intéressants à suivre cette semaine. Goomba, G2OMBAH. Plateforme d'échange et de recommandation de fichiers audio pour OSX. Our Media Publisher, que je viens de parler, qui est disponible pour Windows, Macintosh et bientôt Linux. NVU, qui fait bonne compétition à Dreamweaver et plus. CSS, XHTML standard en mode What You See is What You Get, VisiVig. Lectora, agrégateur de nouvelles, bâti sur un framework Ruby. J'ai eu la chance de discuter avec le programmeur. Je pense que ce serait une interview intéressante à vous faire parvenir. Mais Lectora, agrégateur RSS, Windows, Macintosh, Linux aussi, très bien fait, fonctionne dans Firefox et dans Internet Explorer, pour ceux qui y tiennent. Gun Project, projet open source de gestion de projet avec tous ces fichiers en XML de source. Ça laisse place à beaucoup de possibilités d'intégration. Ça l'accote facilement Microsoft Office. Fex, logiciel d'échange peer-to-peer, Java, disponible sur plusieurs plateformes. Pour les freaks de GNUtella, complément idéal à acquisition qui est sous OSX, c'est la version bonbon. Et facile d'utilisation, FEX, c'est la version tourner tous les boutons et contrôler tous les leviers. OpenVPN, autre projet open source qui remplace avantageusement des solutions qui coûtent 5 000, 10 000 ou 15 000 $ US pour la sécurité des données. C'est ce qu'on a installé dans chez plusieurs de nos clients et au bureau récemment. A1 et Inkscape. Logiciel vectoriel de dessin qui est maintenant disponible compilé sous OSX, marchait déjà très bien sous Linux. Travail en mode natif SVG qui est Inkscape et à Illustrator, ce que The Gimp est à Photoshop. Voilà, ce sont mes recommandations de la semaine. Je vous laisse sur ce dans le même thème qu'un peu le reste ce soir. Remix, reprise du kitsch plus ultra de la compagnie créole, ça fait rire les oiseaux, repris par Capitaine Révolte. Et c'était Sylvain Carl à son nom micro, dans vos oreilles plus ou moins disposées. Toujours avec plaisir, avec humour, sans grande prétention, mais avec, on l'espère, un peu d'authenticité. Alors voilà, c'est tout pour cette deuxième édition du Frog Show du 23 mars 2005. Il est trop tard, bien entendu. Je vous dis à la prochaine et merci de votre attention auditive plus ou moins concentrée. Ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait vivre les oiseaux et danser les écureuils. Ça ajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait vivre les oiseaux, vivre les oiseaux, vivre les oiseaux, vivre les oiseaux, vivre les oiseaux. Oh oh. Une chanson d'amour, c'est comme le loupi dans un avion. Ça fait mal pour le cœur. Une chanson d'amour, c'est l'oxygène dans la maison. Tes pieds touchent plus par terre, t'es en lévitation. Il y a la pluie dans ta vie et des larmes dans ton cœur. La musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour des jours meilleurs. Elle est tape dans tes mains, ça porte bonheur. C'est magique un refrain qu'on reprend tout son cœur. Ça fait vivre les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça ajoute les couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux, rire les oiseaux, rire les oiseaux, rire les oiseaux, rire les oiseaux. T'es revenu chez toi, tête pleine de souvenirs, le soir au clair de lune et des moments de plaisir. T'es revenu chez toi et tu veux déjà repartir. Retrouve l'aventure qui n'aura pas de fin. S'il y a du gris dans tes nuits, ce soir te fait peur. La musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour des jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte le bonheur. C'est magique, un refrain qu'on reprend tout son cœur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça ajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire.